Le mystère de Dolph, Dan Radcliffe, chapitre 19. Une servante parut enfin, et conduisit Émilie dans sa chambre. Elle était au bout du château, et à l'extrémité du corridor sur lequel s'ouvrait l'enfilade même d'appartements qu'elles avaient d'abord parcourus. L'aspect désert de cette chambre fit désirer à Émilie qu'Annette ne la quitta point encore. Le froid humide qui s'y faisait sentir la glaçait autant que la crainte. Elle pria Catherine, la servante du château, de lui apporter un peu de bois et de lui allumer du feu. « Oui, mademoiselle, dit Catherine, il y a longues années qu'on n'a pas fait de feu dans cette chambre. »« Je m'étonne, mademoiselle, dit Annette, qu'on nomme ceci la double chambre. » Émilie, pendant ce temps, regardait en silence et la trouvait haute et spacieuse, comme toutes celles qu'elle avait déjà vues. Ses murs étaient boisés en mélèze, le lit, les autres meubles en étaient fort authentiques, et avaient cet air de sombre grandeur qu'on remarquait dans tout le château. Une des hautes fenêtres qu'elle ouvrait donnait sur un rempart élevé. Mais l'obscurité, d'ailleurs, ne permettait pas de rien voir. En présence d'Annette, Émilie essayait de se contenir et de renfermer les larmes qu'à tout moment elle se croyait prête à répandre. Elle désirait beaucoup de savoir quand le comte Morano était attendu dans le château, mais elle craignait de faire une question inutile et de divulguer des intérêts de famille en présence d'une simple domestique. Pendant ce temps, les pensées d'Annette étaient préoccupées d'un tout autre sujet. Elle aimait beaucoup le merveilleux. Elle avait entendu parler d'une circonstance relative à ce château qui rentrait singulièrement dans ses goûts. On lui avait recommandé le secret, et son envie de parler était si violente qu'à tout instant, elle était prête à s'expliquer. C'était une si étrange circonstance, dont point parler était une extrême punition, mais Montoni pouvait lui en imposer de plus sévères, et elle redoutait de l'offenser. Catherine apporta du bois, et la flamme brillante dissipa pour un moment le brouillard lugubre de la chambre. Catherine dit à Annette que sa maîtresse l'avait demandé, et Émilie demeura seule, livrée encore à ses tristes réflexions. Pour s'arracher à ses tristes pensées, si pénibles à son cœur, elle se leva et considéra l'appartement avec ses meubles. En le parcourant, elle remarqua une porte qui n'était pas exactement fermée. Ce n'était pas celle par laquelle elle était entrée. Elle prit la lumière pour savoir où elle conduisait. Elle ouvrit, et, avançant toujours, elle aperçut les marches d'un escalier dérobé, resserré entre deux murailles, et qui aboutissait précisément devant cette porte. Elle voulut savoir d'où il partait, et le désira d'autant plus qu'il communiquait à sa chambre. Mais dans l'état actuel de ses esprits, elle manquait de courage pour tenter l'aventure. Elle ferma la porte, et s'efforça de l'assujettir, et l'examinant davantage, elle s'aperçut que du côté de la chambre, elle était sans verrou, et que de l'autre, il s'en trouvait jusqu'à deux. En y plaçant une chaise pesante, elle remédia à une partie du danger. Mais elle s'alarmait toujours de dormir dans cette pièce écartée, seule, et avec une porte dont elle ignorait l'issue, et qu'elle ne pouvait condamner. Quelquefois, elle voulait prier Madame Montoni de lui laisser Annette, pour passer la nuit dans sa chambre. Mais elle s'en éloigna par la crainte de trahir une frayeur, qu'on nommerait puérile, et par celle aussi d'ébranler tout à fait l'imagination frappée d'Annette. Ces affligeantes réflexions furent bientôt après interrompues par le bruit de quelqu'un qui marchait dans le corridor. C'était Annette et un domestique qui lui apportait à souper de la part de Madame Montoni. Elle se mit à table auprès du feu et obligea la bonne Annette de partager ce petit repas. Encouragée par sa condescendance et la chaleur du feu, Annette rapprocha sa chaise de celle d'Émilie et lui dit « Avez-vous jamais entendu parler, mademoiselle, de l'étrange événement qui a donné ce château à monsieur ?» Quelle étonnante histoire avez-vous donc ouï dire ? Reprit Émilie en cachant la curiosité que lui inspiraient d'anciennes et mystérieuses ouvertures à ce sujet. « Je sais tout, mademoiselle, » dit Annette en regardant autour d'elle, et s'approchant plus près d'Émilie. « Benedetto m'a tout conté pendant que nous voyagions ensemble. Il me dit, « Annette, vous ne savez rien sur ce château où nous allons. »« Non, lui dis-je, monsieur Benedetto, que savez-vous donc, je vous prie ?»« Mais, mademoiselle, vous savez garder un secret, ou pour le monde entier, je ne vous dirai rien. J'ai promis de n'en pas parler, et on assure que monsieur trouverait mauvais qu'on en jasera. » Si vous avez promis de garder le secret, dit Émilie, vous avez tort de le révéler. Annette fit une pause, puis elle reprit. Oh, mais pour vous, mademoiselle, à vous, je puis tout dire, je le sais bien. Émilie se mit à rire. Je me tairai, dit-elle, aussi fidèlement que vous. Annette fit une pause, puis elle reprit. Oh. Annette répliqua fort gravement qu'il le fallait. Et continua. « Ce château, vous le devez savoir, mademoiselle est très vieux et très fortifié. Il a soutenu plusieurs sièges, à ce qu'on dit. Il ne fut pas toujours au seigneur Montoni, ni à son père. Mais par une disposition quelconque, il devait revenir à monsieur, si la dame mourait sans se marier. « Quelle dame ? » dit Émilie. « Je n'en suis pas encore là, » reprit Annette. « C'est la madame dont je vais vous parler. » « Mademoiselle, comme je vous le disais, cette dame habitait le château, et avait, comme vous le supposez, un train considérable autour d'elle. Monsieur venait souvent la voir, il en était amoureux, et lui offrait de l'épouser. Ils étaient un peu parents, mais cela n'empêchait pas. Quant à elle, elle en aimait un autre, elle ne voulut pas de lui. Ce qui le mit, dit-on, dans une très grande colère. Et vous savez bien, mademoiselle, quel homme est monsieur quand il est en colère. Peut-être le vit-elle dans un de ses accès, et c'est à cause de cela qu'elle ne voulut pas de lui. Mais comme je vous disais, elle était fort triste, fort malheureuse, et tout cela pendant longtemps. Et, Vierge Marie, quel bruit est-ce là? N'entendez-vous pas un son, mademoiselle? « C'est le vent, dit Émilie. Poursuivez votre histoire. »« Comme je vous disais... »« Où en étais-je ? » ?»« Comme je vous disais, elle était bien triste et bien malheureuse. Elle se promenait sur la terrasse, sous les fenêtres, toute seule, et là, elle pleurait. « Cela vous aurait fendu le cœur. »« C'était... Mais je ne dis pas bien. Cela vous aurait fait pleurer aussi, à ce qu'on m'assure. »« Bien. » « Mais, Annette, dites-moi la substance de votre conte. »« Tout en son temps, mademoiselle, j'ai su tout cela à Venise même. Mais ce qui suit, je ne le sais que d'aujourd'hui. Cela arriva il y a bien des années. Monsieur Montoni n'était encore qu'un jeune homme. La dame, on l'appelait la signora Laurentini. Elle était très belle, mais elle se mettait souvent en grande colère, aussi bien que monsieur. » S'apercevant qu'elle ne voulait pas l'écouter, que fait-il ? Il laisse le château et n'y revient plus. Mais cela était indifférent pour elle. Elle était tout juste aussi malheureuse quand il y était que quand il n'y était pas. Un soir enfin, « Grand Saint-Pierre, mademoiselle, » s'écria Annette, « regardez cette lampe. Voyez-vous comme la flamme est bleue ?» Elle parcourut ensuite toute la chambre, avec des yeux effrayés. Que vous êtes folle, dit Émilie, comment se livre-t-on à ces ridicules idées? De grâce, achevez-moi votre histoire, je suis très fatiguée. Annette fixa encore la lampe, et continua d'une voix plus basse. Ce fut un soir, à ce qu'on dit, vers la fin de l'année. Ce pouvait être vers le milieu de septembre, à ce que je suppose, ou le commencement d'octobre, peut-être même dans le mois de novembre. C'est égal. C'est toujours vers la fin de l'année, mais je ne puis pas dire précisément le moment, parce qu'ils ne me l'ont pas dit eux-mêmes. Quoi qu'il en soit, Ce fut à la fin de l'année que cette dame fut se promener hors du château dans ces bois-là. Bon, comme elle faisait ordinairement. Elle était toute seule et n'avait que sa femme de chambre avec elle. Le vent soufflait bien froid. Il faisait tomber les feuilles autour d'elle et sifflait tristement à travers ces grands châtaigniers. Que nous avons passé, mademoiselle, en venant du haut château. Benedetto me montrait les arbres tout en me parlant. Le vent était donc bien froid et la femme de chambre voulait l'engager à revenir. Elle ne voulut pas. Elle aimait à se promener dans les bois en tous les temps et surtout le soir. Et si les feuilles tombaient autour d'elle, cela lui faisait toujours plus de plaisir. Eh bien, on l'a vue descendre vers le bois. La nuit vint, elle ne parut plus. 10 heures, 11 heures, minuit, point de dame. Voilà qui est bien. Ses domestiques pensèrent que sûrement il lui était arrivé un accident et sortirent pour l'aller chercher. Ils cherchèrent toute la nuit, mais ils ne la trouvèrent pas, et n'en trouvèrent aucune trace. Depuis ce jour-là, mademoiselle, on n'en a jamais entendu parler. « Est-ce bien vrai, Annette ? » dit Émilie, fort surprise. « Très vrai, mademoiselle, dit Annette, avec un air d'horreur. Oui, cela est bien vrai. Mais on dit, ajouta-t-elle en baissant la voix, on dit que depuis ce temps-là, on a vu plusieurs fois la signora dans les bois et alentour du château pendant la nuit. Plusieurs des vieux serviteurs qui restèrent ici après cet événement déclarèrent qu'ils l'ont vue. Elle a été vue par plusieurs de ses vassaux qui se sont trouvés au château pendant la nuit. Le vieux régisseur pourrait dire de singulières choses à ce qu'on dit s'il le voulait. « Quelle contradiction là-dedans, Annette, dit Émilie. Vous disiez qu'on n'avait pas entendu parler d'elle, et vous dites qu'on l'a vue. Tout cela m'a été dit dans le plus grand secret, reprit Annette, sans faire attention à la remarque. Je suis bien sûr, mademoiselle, que vous ne voudrez pas nous faire tort à Benedetto et à moi en parlant de cette histoire. Ne craignez rien de mon indiscrétion, répondit Émilie. Mais souffrez que je vous engage, ma bonne Annette, à être fort discrète vous-même et à ne jamais découvrir à personne ce que vous venez de me confier. Le signor Montoni, comme vous dites, pourrait fort bien se mettre en colère s'il en entendait parler. Mais quelle recherche fit-on au sujet de cette malheureuse dame ? Oh, une grande quantité, mademoiselle, car monsieur avait des droits directs sur le château comme étant le plus proche héritier. Et on dit que les juges, les sénateurs ou d'autres déclarèrent qu'ils ne pourraient prendre possession que lorsque bien des années seraient écoulées, et que si, après tout cela, la dame ne se retrouvait pas, cela serait aussi bon que si elle était morte, et que le château serait à lui. Ainsi, il est à lui. Mais l'histoire courut, et il se répandit plusieurs rapports, mais si étranges, mademoiselle, que je n'ose pas vous les dire. « Cela est encore étrange, Annette, » dit Émilie en souriant et sortant de sa rêverie. « Mais quand la signora Laurentini a reparu depuis dans ce château, personne ne lui a-t-il parlé ?»« Parler ? Lui parler ?» s'écria Annette avec effroi. « Non, non, soyez-en sûre !»« Et pourquoi pas ?» dit Émilie, qui désirant en savoir davantage. « Sainte Mère de Dieu, parler à un esprit ?» « Mais quelle raison a-t-on de croire que c'était un esprit si on ne s'en est pas approché et si on ne lui a pas parlé ?»« Oh, mademoiselle, je ne peux pas vous le dire. Comment pouvez-vous faire de si singulières questions ? Mais personne ne l'a vu aller et venir dans le château. On la voyait dans une place et le moment d'après, elle était dans l'autre. Elle ne parlait pas. Si elle eût vécu, qu'aurait-elle fait dans ce château sans y parler ? Il y a même dans le château plusieurs endroits. » où l'on n'a pas été depuis, et toujours par cette raison. « Parce qu'elle ne parlait pas, » dit Émilie en s'efforçant de rire, malgré la peur qui commençait à s'emparer d'elle. « Non, mademoiselle, non, » reprit Annette, presque fâchée, mais parce qu'on y voyait quelque chose. On dit aussi qu'il y a une vieille chapelle qui tient à la partie occidentale du château, où quelquefois, à minuit, on entend des gémissements. Cela fait frémir d'y penser. On a vu là des choses bien extraordinaires. Je te prie, Annette, trêve de ces contes ridicules, dit Émilie. Contes ridicules, mademoiselle ? Oh, mais je vous dirai là-dessus, si vous voulez, me... une histoire que Catherine m'a fait. C'était le soir d'un hiver froid. Catherine, elle venait souvent au château, à ce qu'elle dit, pour tenir compagnie au vieux Carlo et à sa femme. Monsieur l'avait recommandée, et depuis ce temps-là, elle était toujours ici. Catherine était assise avec eux dans la petite salle. Carlo dit, « Je voudrais bien que nous eussions des figues à faire griller. Il y en a dans l'office, mais il y a loin, et je suis trop là. « Allez, Catherine, dit-il, vous êtes jeune et ingambe. Apportez-nous-en quelques-unes. Le feu est bien disposé pour les rôtir. Elles sont, dit-il, dans le coin de l'office, au bout de la galerie du nord. Prenez la lampe, dit-il, et prenez garde, en passant le grand escalier. Que le vent qui entre par le toit ne vous l'éteigne. » Ainsi, avec cela, Catherine prit la lampe. « Paix, mademoiselle, j'entends du bruit, cela est sûr. » Émilie, à qui alors Annette avait fait passer sa frayeur, écouta très attentivement, mais tout était fort calme, et Annette continua. Catherine alla à la galerie du Nord. C'est la grande galerie que nous avons traversée, mademoiselle, avant de venir dans le corridor. Elle allait, sa lampe à la main, ne songeant à rien du tout. « Encore ! » s'écria subitement Annette. « J'ai entendu encore, ce n'est point une idée, mademoiselle. » « Paix !» dit Émilie, toute tremblante. Elles écoutèrent et restèrent immobiles. Émilie entendit un coup frappé contre le mur. Il fut répété. Annette fit un grand cri. La porte s'ouvrit avec lenteur. C'était Catherine qui venait dire à Annette que sa maîtresse la demandait. Émilie, quoiqu'elle la reconnût bien, ne se remit pas tout de suite de sa terreur. Annette, moitié riant, moitié pleurant, gronda vivement Catherine de leur avoir fait une telle peur. Elle frémissait qu'on eût entendu ce qu'elle avait dit. Émilie, dont l'esprit était vivement frappé par la circonstance principale du récit d'Annette, n'aurait pas voulu rester seule dans sa situation actuelle. Mais pour éviter d'offenser Madame Montoni et de trahir sa propre faiblesse, elle lutta contre les illusions de la crainte et congédia Annette pour toute la nuit. Quand elle fut seule, ses pensées se reportèrent sur l'étrange histoire de la signora Laurentini, et ensuite sur la situation où elle se trouvait elle-même dans ce terrible château, au milieu des déserts et des montagnes, en pays étranger, sous la domination d'un homme que, peu de mois auparavant, elle ne connaissait pas, dont elle avait déjà ressenti un cruel abus d'autorité, et dont elle considérait le caractère avec un degré d'horreur que justifiait la crainte générale qui l'inspirait. Émilie se rappela tout ce que lui avait dit Valancourt la veille de son départ du Languedoc, relativement à Montoni. Elle se rappela tous les efforts qu'il avait faits pour la détourner de ce voyage. Ses craintes, depuis ce jour, avaient paru autant de prophéties, et se trouvaient ainsi confirmées. Son cœur, en se rappelant l'image de Valancourt, se livra de vains regrets. Mais enfin sa raison lui offrit une consolation qui, quoique faible d'abord, prit par la réflexion une véritable consistance. Elle considéra que, quelque pussent être ses peines, elle avait évité d'envelopper Valancourt dans ses malheurs, et que, de quelque nature que fussent ses chagrins, elle n'avait du moins aucun reproche à se faire. Le vent, sifflant avec force à la porte et le long du corridor, ajoutait à sa mélancolie. La flamme récréative du foyer était éteinte depuis longtemps. Émilie restait fixée devant ses cendres froides, quand un tourbillon bruyant, s'engouffrant dans le corridor, ébranla les portes, les fenêtres, et l'alarma d'autant plus par sa violence qu'il déplaça dans sa secousse la chaise dont elle s'était servie pour s'enfermer, et entr'ouvrit la porte qui conduisait au petit escalier. Sa curiosité, ses craintes se ranimèrent. Elle prit la lampe et vint au-dessus des marches. Elle hésitait si elle irait plus loin. Mais le calme profond, l'obscurité de ce lieu la saisirent de nouveau. Elle résolut de commencer ses recherches, aussitôt qu'il ferait grand jour. Elle ferma la porte et la barricada de son mieux. Elle se mit alors dans son lit et laissa la lampe sur la table, et cette sombre lueur ne fit que redoubler ses craintes. Au tremblement de ses rayons incertains, elle croyait presque voir des ombres glisser le long de ses rideaux et se retirer dans le fond ténébreux de sa chambre. L'horloge du château sonna 1 heure, avant qu'elle eût fermé les yeux.